Rêve énorme. Si faible d'une vie acculée à l'impasse, si fort de mes desseins géants et fabuleux, je me découvrirai semblable au ciel qui passe, avec ses moutons gris, ses loups noirs, ses jais bleus. Brisant le cadenas des pays en jachère, soutenu, fécondé par de nouveaux printemps, j'agiterai ma soif ô combien la plus chère, aux secousses d'un hymne ouvert à tous les temps. Et comme je n'aurai plus d'âge, plus de forme, comme sur moi viendront se déchaîner sans fin, exquis, des millions d'éléments, rêve énorme, je me ferai matière à chaque place, enfin. D'abord sous le feuillage empli de moiteur chaude, je serai goutte d'eau, frémissement, duvet. Le soleil soufflera des éclats d'émeraude et cheminera, pur, la houle à son chevet. Bientôt je serai fleur dans le nid de la brume, source dans les taillis, flamme dans le désert. Bientôt dans les sous-bois que le désir allume, je serai fin murmure, ingénument d'Isère. Quoi que diront les jours à l'étoile fugace, je serai même brise et sable et lune et flot. Lorsque la nuit songeuse emmaillote l'espace et que toute ombre douce y brode main à l'eau. Parmi la grâce neuve ou l'odyssée altière, je serai tout autant montagne au rire d'or qui, pleine du baiser profond de la lumière, explosera de fête au cœur de Messidor. Je serai tempête, déchirure, écrasement boueux des plaines sans couleur, dont se déferont l'âme ainsi que la parure, après 100 000 chocs tombés du vent hurleur. Puis, charme inconnu, presque fou, délectable, consumant dicotos, dévorant sans vallon, je serai lave épaisse, unie au sol instable, pour napper de sang vif les élans les plus longs. Encore là, clair poème du monde, je serai fleuve, mer, océan, je serai onde gonflée, ô suc de la force de l'onde, ô suave toujours d'un infini secret. Encore ailleurs, jusqu'au plafond des astres, nu dans le firmament joyeux de refleurir, je serai bleu cyclone et naissance et désastre, création suprême, à mourir, à mourir.